Bonjour à tous. Aujourd'hui, morue à la provençale pour 4 personnes. 4 pavés de morue dessalée, 10 centilitres d'huile d'olive, un gros oignon haché, 4 tomates émondées et pépinées concassées, 2 gousses d'ail écrasées, 50 g de 4, 125 g d'olive noire et une cuillère à soupe de persil haché. Faire pocher la morue départ eau froide non salée, 10 minutes au frémissement. Dans un grand sautoir, faire suer l'oignon à l'huile d'olive, ajouter tomate plus ail, cuisson 10 minutes à feu doux. En fin de cuisson, ajouter les olives et les câpres et mettre au point. Effeuiller la morue et l'ajouter à la sauce. Cuisson 10 minutes au frémissement et finir avec le persil haché. Servir sur des assiettes chaudes avec des pommes vapeur, un petit vin conseillé, un cassis blanc à boire avec modération.